La plupart des mots qui finissent en « ic » en français, comme « économique »,« politique », etc., sont semblables en espagnol. Par exemple, « politique » devient « politico ». Ça s'écrit comme ça se prononce, avec « co » à la fin. Alors, « économique » se dit « economico ». Economico. Tous les mots qui finissent en « ico » ne sont pas accentués à l'oral sur l'avant-dernière syllabe, mais sur celle qui précède l'avant-dernière syllabe, et portent donc un accent à l'écrit, un accent aigu. Economico, avec un accent sur le « o » de « no ». Economico. Et comment direz-vous « magique » ? Magico. Bon, alors le son « je » n'existe pas en espagnol. C'est pourquoi on avait vu que « urgent » en espagnol se dit « urgente ». Oui, hein? C'est ça, « urgente ». Le « g » suivi de « e » se prononce « r ». C'est comme un raclement de gorge. Donc, « urgente ». Et on retrouve ce son aussi quand le « g » est suivi d'un « i ». Donc, « magique » se dira Mágico. C'est ça, mágico. Mágico. Voilà. Et philosophique? Filosófico. Filosófico. Hein? Filosófico. Filosófico. Là encore, ça s'écrit comme ça se prononce. F-I-L-O-S-O-F-I-C-O. Hein? Le PH n'existe pas en espagnol. Donc, le son F s'écrit toujours F. Alors, philosophico avec un F. Comment direz-vous logique? Logico. Logico, hein, c'est bien ça, logico. Quelquefois, il y a une légère différence entre le mot français en hic et son équivalent espagnol en ico. C'est le cas, par exemple, de pratique, qui se dit practico, avec un C au milieu. Practico. Alors, comment direz-vous c'est très cher, mais c'est très pratique? Es muy caro. Es muy caro, oui, mais. Pero. C'est très pratique. Es muy pratico. Comme je viens de l'expliquer, il y a une légère différence avec le français. Ce n'est pas pratico, mais practico. Practico. C'est ça. Es muy caro, pero es muy practico. Vous pouvez répéter? Es muy caro, pero es muy practico. Très bien.